بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زلنا في باب يبر والدي ما لم يكن معصية. On est toujours dans le chapitre dans lequel l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a évoqué qu'il est obligatoire d'être bon vers ses parents tant que ceci n'est pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait pu prendre le hadith d'Abu Darda dans le cours précédent. On prend les deux derniers hadiths qui restent dans ce chapitre-là, dans lequel, rahimahullah ta'ala, avait nous évoqué que la bienfaisance envers les parents c'est-à-dire par les choses qui sont obligatoires ou bien recommandées, ou bien bil mubah, les choses qui sont autorisées shar'an. Amma bil makruh wa bil muharramat, les choses qui sont détestables en religion, ou bien le péché, c'est tous deux la yéreuse. An yubarra bihi l'walidan, c'est interdit d'être trop bienveillant l'homme dans la désobéissance d'Allah et Azzawajal. Ça a la bienveillance. C'est pas de la bienveillance, au contraire, c'est la malveillance. C'est le ta'awun ala l'ifni ou le kadawan. Qa'ashum Allah ta'ala, qa'ala haddathana Muhammad ibn Kathir, al-Abdi, il fait partie des séquences, qa'ala haddathana Sufyan, il fait al-Sawri, le grand imam, qa'ala an Ata ibn Sa'id, ibn Sa'id plutôt, c'est vrai qu'il y a min al-Aimma, qa'ala an Abi Sa'id, an Abdillah ibn Amr, رضي الله عنهما نعم الصحابي كذي compiler le plus de hadith celui qui a compilé le plus de hadith من الصحابة عبد الله بن عمر لكن celui qui mémorisait le mieux c'était أبو هريرة لكن celui qui a compilé le plus de hadith عبد الله بن عمر فقال أبو هريرة فكان يكتب ولا لا وأنا لا أكتب lui il écrivait et moi je n'écrivais pas. أبو هريرة c'était أحفظ الصحابة celui qui avait la meilleure mémorisation. C'est Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, c'était celui qui a compilé le plus de hadith. Khala, j'ai un rajulun, il a un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, une personne, vint dans le prophète, alayhi wa sallam, faqala, et lui dit, khala, j'ai été obayyu'uk ala l'hijra, je suis venu te prêter serment, concernant la hijra, l'immigration. Khala, wa taraksu abawai yabtiyan, et j'ai laissé mes deux parents, dans la terre où je vivais, ou dans la terre où je vis, je les ai laissés en pleurant. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأبكيهما كما أبكيتهما. Il lui a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام retourne vers ses parents et rend-les heureux après les avoir rendus malheureux. Tu les as rendus malheureux, tu te dois de les rendre heureux. فهذا الحديث on a pu le voir. On a vu ce hadith là dans جزاء الوالدين. Pour montrer que le rescribut des parents il est énorme. Et que c'est un rescribut qui dans la récompense est plus grande que le fait de faire la hijra. C'est là, je vous dirai, à partir du moment où ses parents sont dans le besoin, ont besoin de toi énormément. On le fait très valoir à la hijra. Donc ça nous montre la valeur de Bir al-Walidin fil Islam. Que Bir al-Walidin yuqaddam ala al-hijra. Dès lors où tes parents, ils ont besoin de toi. Dès lors où tes parents, ils ont besoin de toi énormément. Yani dans le cas où ce sont des personnes qui sont âgées et qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, leur amener leur provision et la charité, ou bien, mesalam, c'était des personnes qui ont besoin financièrement de toi. Si jamais ces personnes l'ont pas, eh ben ça va être une chaque fois pour eux. Ils vont être dans le besoin. فهنا يدوى غفتي كما يأتي في الحديث ففيه ما في جاهد يدوى غفتي يسوكيبه دي سيبا سيسا سنمو لانتلسمو لانتلسي دير الوالدين كما يدوى من الحديث فسيبا لكن هنا إلا يبوكي في الحديث الصحيح رحمه الله تعالى dans le chapitre qu'on doit être bienveillant envers les parents sans que ce soit dans la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. كأنه هو رحمه الله تعالى أراد أن يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بر الوالدين يقدم حتى on le fait prévaloir, on le fait précéder sur des grandes valeurs de l'islam comme la hijra, à partir du moment que cette bienveillance-là a l'effet fait par Allah et Azzawajal. Tarji' ilayhima fa'afrikhuma. Yani, sois bon envers tes parents, la fin fait par Allah et Azzawajal. C'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre Harunahu wa rahimahullahu ta'ala. Que ce hadith-là, il incite à être bon envers les parents tant que c'est fait par Allah, subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله عن ظليه للجن في حديث كيف الله كيف الله ولا في الوحن هم لا هجرة من الجوع يعني من باب المراجعة في الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام c'est le fait de d'émigrer vers les terres dans lesquelles l'islam ou bien d'émigrer dans les terres vers les terres où il y a طاعة الله et من بلد البدع والمعاصي إلى بلد الطاعة والسنة. Tout cela, ça fait partie de l'immigration. لأن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين فقال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Donc la hijra, يعني في الإسلام, c'est beaucoup plus grand que le fait de partir d'un pays pour aller à un autre. La hijra, c'est l'islam, c'est le fait de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et de découvrir vers les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Al-muhajir, le vrai émigré, قال من هاجر ما نهى الله عنه. C'est celui qui, يعني دلش من ما هاجر, ça veut dire تركه. C'est celui qui دلش ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Et parmi cela, l'imahasi, et parmi cela, le fait de résider dans le pays dans lequel tu ne peux appliquer ta religion. Non. Ou bien dans lequel il est difficile pour toi d'appliquer ta religion. Dans ce cas-là, il y a mis ce mustahab qui part. مثلا dans le Yémen, dans certains endroits, tu vas retrouver que c'est les choses qui vont le pouvoir. Si jamais tu restes là, c'est un bel de musulman. Mais si tu laisses que tu restes dans ce guide-là, tu auras des contraintes qu'il a fait. À un moment, il est mustahab. Il y a quelqu'un qui dit qu'il part vers une autre carrière, une autre ville, afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la rahasina. Si on a le droit qu'à délicat, alors bon, avec la norme qui nous permet de faire la différence entre le pays musulman et le pays qui n'est pas musulman, et les ulama ont divergé sur ce sujet-là, et la parole qui paraît la plus juste pour Allah A'lam, c'est celle de l'imam Ash-Shoukani, rahimahullah ta'ala, dans son kitab, Al-Shayl Al-Jarrar, le volume 4, la page 515, فقال هو رحمه الله باعتبار ظهور الكلمة. Le pays muslim, il est considéré, ou bien le pays kafir, il est considéré par rapport à celui qui dit son ordre. قال, إن كانت الأوامر والنواهي لأهل الإسلام. Si jamais les lois sont entre les mains chez les gens de l'islam qui sont les gens d'autorité. Si jamais l'autorité est entre les mains des musulmans et que les personnes qui résident parmi les kuffars ne peuvent mettre en avant leur rite de mécréance, que si jamais les autorités musulmanes leur autorisent, ils disent ça, c'est le pays qui est musulman. C'est celui dont l'autorité allait dans les mains des musulmans. C'est ça, c'est un col qui est jayid. Alors, c'est un col jayid, et qu'avec l'axe, le pays de kafir, le balad al-kufr, c'est celui dont l'autorité est entre les mains des kuffars. Mais le haïsou, que les musulmans, ils ne peuvent pas mettre en avant les rites de l'islam, excepté si jamais les kuffars, ils leur en donnent l'autorisation. Donc une personne peut mettre en application son dîn latine tant qu'il est sous l'autorité d'un gouvernement qui ne croit pas en Allah ou à Rasulahu et que la yahkoum, yani, c'est arbre mal ahkam bi shar'illah, pour la démocratie akhri, ça cherche un pays qui est fait de kuffar. Comme c'est le cas en Angleterre, on a dit que dans certains endroits, ils peuvent faire le adhan, sauf le matin, parce que c'est considéré comme un sabbat nocturne. Là, ils vont dire, on arrive à faire adhan, lakin, tu fais l'adhan, par le biais de l'autorisation des autorités kuffar. Là, t'es encore sous l'autorité d'un kafir, wa qala subhanahu wa ta'ala, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله عز وجل ne donne pas l'autorité à un kafir sur, ou plutôt la suprématie à un kafir sur un musulman. Mais c'est l'arche. Tant que cette personne-là est sous l'autorité, les kuffar, même si jamais on va lui autoriser à faire frapper de l'islam, c'est tu es toujours sous l'autorité. Donc tu es, donc le fait que dans un balade, kafir, certes tu es sous l'autorité d'un kafir. Même si jamais tu montes trafic et en avant, certains règles de l'islam. Et ça, c'est en bas de Kéjaïd. Alors, c'est en bas de Kéjaïd. Et d'autres, ils ont pris en considération la majorité des habitants, quand je le cache sur l'islam, rachmahullah. Et d'autres par rapport au ahkam. La fin, c'est par Allah, par la plus de l'Allah. Kha rachmahullah ta'ala, ça c'est une idée de ma'raja. Kha rachmahullah, kha la, haddathana Ali ibn Ja'ad. Il faisait partie des Sirat, rire, c'est un Shi'i. Et certains vont dire, oui, mais l'imam al-Bukhari, il avait certains de mes frères qui faisaient partie d'Ahl al-Bida. Donc ça nous montre qu'on peut prendre la science d'Ahl al-Bida. Ça fait une franche. Ce genre d'argument, il faut s'autoriser d'apprendre et de s'asseoir auprès des gens de la Bida. Et ça, c'est pas sahih. Là, ils étaient dans un hal, il y en a fait d'Aroura. Parce que ces ulama, parmi les Shia à cette époque-là, c'était des personnes qui avaient Ahl al-Bida, hadith, c'était des personnes qui mémorisaient et qui s'évertuaient à regrouper, à compiler les hadiths. Et certains des hadiths, on ne retrouvait que chez ces personnes-là. Enfin, si jamais Al-An, on faisait précéder le fait de ne pas prendre de Ahl al-Bida, eh bien, ça aurait impliqué qu'on délaisse une chose de la religion, le djinn. Alors, la religion, elle est plus importante. Là, Al-An, il se trouvait dans un cas de nécessité, comme celui qui se trouve dans un désert, et qui ne trouve qu'une bête morte, ou bien, maintenant, une bête qui est née dans Allah Azzawajal a interdit qu'on mange comme le cochon. Alors là, il est autorisé qu'il puisse s'en adonner, de Qadr al-Haja, il prend ce qu'il a besoin de cela, ça rend un cavalier. Il prenait de ces personnes-là ce qu'ils ont besoin. Ce qu'ils avaient déjà, et bien, ils n'arrivent pas, mais les hadiths dont ils avaient besoin et qu'on ne retrouvait que chez Al-Dida, ils prenaient, parce que la maslaha, le profit était de propager la sunna. Si jamais j'aurais pas fait ça, ça aurait été une part de la religion qui n'aurait pas été transmise et qu'on n'aurait pas connue. Donc la masala est beaucoup plus grande. Le mal aurait été beaucoup plus grand. À notre époque, alhamdulillah, le Madin, tu les trouves chez Ahl al-Sunnah. Enfin, al-Nahw, tu vas trouver chez Ahl al-Sunnah, al-Fiqh, tu vas trouver chez Ahl al-Sunnah, al-Aqida, chez Ahl al-Sunnah, al-Tawhid, chez Ahl al-Sunnah, al-Kulli-Shay, tu vas retrouver chez Ahl al-Sunnah. Enfin, on n'y a plus d'esprit. De dire oui, mais celui-là, il est fachir, celui-là, il est balir, celui-là, il est éloquent, là, et ceci et cela. Ça, là, il n'y a plus d'excuse, parce que ce ulum-là, tu vas les retrouver chez les gens de la sunna. Là, il n'y a pas de. On ne va pas prendre ça comme un argument. C'est deux choses différentes et deux situations différentes. Khala Akbar al-Nashab, le grand imam, dans le hadith. Khala al-Habib ibn Abi Thabit. Il faisait partie de Kabbalah, le grand imam. Khala Sami'atu, Abu al-Abbas al-Hama, Kabbalah ibn al-Siqat. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد ان كان يريد قول القتل عليه الصلاه والسلام اي يريد faire le jihad avec lui فقال احي والدك est-ce que tes parents sont vivants فقال نعم الى جميع فقال ففيهما تجاهد donc il y a un fait le jihad vers eux ce jihad vers eux et ce hadith il est authentique rapporté par Bukhari Muslim حديث متفق عليه كذلك هذا الحديث اللي هو كلمة من البخاري dans ce chapitre là dans lequel il évoque qu'il incombe d'être bon vers ses parents tant que c'est pas fait marcher de l'Allah عز وجل فهنا كذلك il veut nous montrer par rapport à cela que on doit être bon lorsqu'il dit parce qu'il m'a déjà dit je veux dire sois bon vers ses parents et vers ceux qui ont fait des efforts dans cela tant que ceci n'est pas fait marcher de l'Allah عز وجل يعني ففيه ما تجاهد الآن c'est مطلق. Et on peut le prendre dans sa généralité. On peut comprendre qu'il fait des efforts à les rendre heureux, quel que soit l'intermédiaire. Là, l'intermédiaire, il est quoi? Il le montre, il est de parachillah ou bien les choses qui sont mubaha, les choses qui sont autorisées. C'est pour ça qu'il a évoqué ce hadith-là. Ça montre la largesse du fiqh de l'imam al-Bukhari, rahmahullah ta'ala. Il s'était quelqu'un qui avait une connaissance des usul. Parce que là, le hadith, il est un. On peut comprendre une généralité, et il veut nous dire, au fait, ces généralités qu'on peut comprendre, on doit la restreindre à ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Fa fihima fi jahid, ay fi ta'atillahi فجاهد في طاعة الله أو في الأشياء المباحة التي تسكتوا بأطرجه فجاهد. هذا هو نقتصر الفقه بالإمام البخاري طرق ويلي بكيف الحديث لا دون تشك في الصلاة. نعم الآن وبقى فيه وكما في سنتي وكبر الحديث وكما تصنع جميع جي أدوماندي دفع الجهاد سكي ولي في بالجهاد سجهاد الطلب سجهاد الطلب parce que jihad al-difa', c'est-à-dire lorsque tu es encerclé et que tu dois te défendre, par un homme, on ne demande pas l'autorisation. Est-ce que je veux faire jihad à un homme, c'est tu te défends. Tu te défends. Après, les Français, ils ont cette fois-là la légitime défense. Quand tu te défends. Dans ce cas-là, tu te défends comme tu peux. Il n'y a pas à demander l'autorisation, est-ce que ceci et cela. Tu te défends comme tu le peux. Al-Mahamana, il y aurait deux jihad et jihad al-Talab. C'est-à-dire de partir en expédition avec le prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est un autre jihad. Jihad al-difa', c'est un jihad aïni, qui incombe à l'individu, quand il est dans la capacité de pouvoir repousser le mal. Alors, jihad al-talab, c'est un jihad qui est quoi? Fardun kifari. À partir du moment qu'une partie des musulmans sont défaits, et sont déchargés, après l'autre partie, c'est pas une obligation pour l'autre partie. كما في الآية قل سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لما العلماء يجيبون في الآية لك وتبقى جهاد الطلب كان جهاد شيء واجب لسن كفائي فسك الله عز وجل يجي إنكم فا على توتائي بمسلم لتخصيصكم في الاكسبيديشن فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. Une partie va à l'expédition, une autre partie, تطلب العلم. Elle est dans le طلب العلم. Afin que, le groupe qui est parti en expédition, lorsqu'il revient, ceux qui ont fait طلب العلم, ils leur transmettent ce qu'ils ont appris, en ce temps-là. Ça, ça nous montre que c'est pas un djihad qui est quoi? C'est aïni. C'est un djihad qui est quoi? Qui faillit, selon le nombre. فهنا المراد هنا شو كان جهاد طلب فقال بس كيو إلى بوزة لا كيسون فريش مريد الآن الجهاد يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لموس كي لا دموندي لوتوريزاسيون اور جهاد الطلب لا با دموندي لوتوريزاسيون سي جهاد الدفاع بتو اون دوموند با لوتوريزاسيون قال فقال أحي والدك فاش عندو جيم ديش كي نو مونتر كو جهاد هنا سي جهاد كو جهاد طلب بس كيو لا اون دوموند با أحي والدك. L'ennemi est en cercle, le imam ne va pas dire est-ce que tes parents sont vivants. En quoi ça va te servir? Un, tu dois te défendre. Ça c'est le monde qui part en expédition. La fin, parmi les conditions dans le djihad, c'est que tes parents, dans le djihad al-talab, c'est que tes parents soient d'accord. Fa'a'ona, parle à Hayyun Walidak. C'est ça que celui qui part, comme l'a évoqué l'imam, Ad-Dimishqi, rahimahullah ta'ala, dans le kitab, il sah, l'ibn Hubayra, le volume 2, la page 173 ou bien 273. Al-Muhim, قال واتفق على أن من عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن والديه إن كان مسلمين. Il dit, رحمه الله تعالى, qu'ils sont tous unanimes, que celui qui doit partir en expédition, ne peut partir en expédition qu'après avoir demandé l'autorisation à ses parents, dès lors que ses parents sont musulmans. من شروط جهاد الطلاب استئذان الوالدين à partir du moment qu'ils sont quoi? Qu'ils sont musulmans. Al-Hayyun Walidak, ce hadith-là, il nous montre cette condition-là. Et les ulama ont dit que cette condition-là, c'est une condition unanime. Il n'y a pas de divergence entre les ulama. Naham. فقال naham. فقال ففيهما فجاهد. On est dans la suffisance. Alhamdulillah. Tu veux faire un jihad? Va vers tes parents et sois bon vers tes parents. Donc ça nous montre que vers le walidin, dès lors où on n'a pas besoin de cette personne-là dans le jihad al-talab, il est muqaddam. Il est muqaddam ala al-jihad, jihad al-talab. Comme on a pu voir dans le hadith, le premier hadith, c'est un mustrafal, alors qu'il a dit, c'est l'été de la habbal al-ahmal, il Allah azza wa jalla, qu'a dit, as-salatu ala waqtiha. Qu'a dit, summa ay, qu'a dit, summa bir al-walidin. Ensuite, il a dit, ay, il a dit, summa al-jihad, fi sabilillah, ay, jihad al-talab. Donc, ce hadith-là, il nous montre là. Que le dîn est cohérent et que le hadith, il rejoint notre hadith. Ce hadith-là, comme le premier hadith qu'on a pu voir, il rejoint le hadith qui a été évoqué à Harana. Quand il dit, lorsqu'ils ont fait un jihad, ils pensent que c'est juste le combat. Non. Le jihad, c'est, comme l'a dit l'imam, Ibn Khair, Rahmahullah Ta'ala, Tijad al-Ma'ad, le volume 4, la page 2, il a dit que le djihad, il est de 4 anwa, de 4 catégories. Le premier et le plus grand de djihad, c'est le djihad al-nafs, le fait de combattre sa propre personne. Al-nafs al-ammar al-dushu. Son âme n'a ni qui t'appelle. Ma prophète a fardu man. Donc, avec al-nafs al-lawwam, celle qui te réprimande lorsque tu fais le man. Al-nafs al-khabitha, qui souhaite que tu passes que du man. Il est obligé de faire un combat contre al-nafs al-ammar al-dushu ou al-nafs al-lawwam. C'est ça, c'est le plus grand de djihad. Hatta il a dit, c'est impossible de pouvoir, à un instant, penser que quelqu'un est passé au Moudjah et dit Shabbillah, c'est-à-dire au combat, et qu'il n'a pas auparavant combattu son nafs. Il a dit ça, c'est le premier des djihad et c'est le plus grand des djihad. Djihad al-nafs. Parce que c'est un djihad qui est quoi? Chaque instant, chaque minute, tu as besoin de combattre avec ton nafs, qui t'appelle à faire le mal, qui t'appelle à faire des interdictions, à délaisser des obligations, à avoir un mauvais comportement, à faire ceci, cela. Ça, c'est un djihad qui est quoi? C'est Zahim. Un djihad al-Talab, c'est un djihad qui peut se faire une fois par an, même des fois, mais là, c'est très rare. Une fois tous les 10 ans, enfin, son ennemi, c'est pas tout le temps. Son ennemi, comme toi, il est fatigué. Un nafs au shaytan, ils sont jadis, et da'iman. C'est le plus grand djihad parce que c'est un djihad qui est da'im. C'est un djihad qui est da'im abedan. N'am. Voilà, le deuxième djihad, djihad au shaytan. N'am, djihad au shaytan, si jamais ce nafs, elle a marre comme du chou, elle a pris le dessus pour toi, elle a même plus besoin de t'égarer. Son nafs elle-même a pas égaré. Amman, le nafs, à partir du moment qu'elle a été éduquée, par shaytan, il va vouloir jouer un rôle. À remettre cette âme-là comme elle était. À essayer de la dévier, comme il peut. En la faisant rentrer dans le shirk billah, s'il peut pas, dans, comment s'appelle, le shirk al-afra, s'il peut pas, dans le bida, s'il peut pas, dans le kebab, s'il peut pas, dans le ma'asi. Il ne veut pas, il va le distraire par les choses qui sont mauvaises. Les choses qui sont mauvaises, il va le distraire. À faire les choses qui sont mauvaises et à délaisser les choses qui sont mustahab. Afin qu'il ne fasse pas le mustahab. S'il ne veut pas, il va essayer de monter des gens contre lui parce qu'il perd du temps. Certains vont venir te faire des problèmes. Enfin, souvent, tu vois les personnes qui sont à l'affaire, à l'Islam, les signes que tu vois, ils sont toujours endetté. Ça, subhanallah, il évoque que Ibn Qayyim, rahimahullah, que Shaytan, il a des, il a des paliers. Et le dernier des paliers, si jamais il n'arrive pas à te rentrer dans le shirk, à l'akbar, à l'ashar, à kebaer, à shara'er, de te distraire par mon bahar, et ben, il va remonter les gens contre toi afin de se faire perdre du temps. Afin que tu repousses ces personnes-là. Or, tu aurais pu faire d'autres choses. Le shirk me rappelle, il dit, subhanallah, là, les brouf, c'est maintenant dans les étagères, à cause des flottis qui nous empêchent de pouvoir continuer dans la belle. C'est un djihad de shaytan. Le fait de lui fermer la porte a tout fait pour pouvoir être là. C'est que l'akbar, ashrab, shabaer, shara'er, c'est nous distraire. C'est un mouvahaj. Et de faire patience, de faire preuve de patience, et de chakma, et de savoir comment réfuter, de la manière la plus concise, mais afin de ne pas perdre du temps avec ceux qui veulent se faire parler dans la main. Un djihad al-Sahis, il dit djihad arbab ahl al-Bidah. Le fait de combattre ahl al-Bidah, c'est vrai qu'il y a le munafiq, ça rentre dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu ahl al-Nabi, jahid al-Kufar, wa al-Munafiq. Le munafiq, c'est celui qui met en avant l'islam, mais qui a la méchance de son cœur. Alhamdulillah. Djihad al-Ahl al-Bidah, c'est vrai qu'il y a. Et c'est un djihad qui est bil-Nishan et bil-Bayan. Je refuse ces personnes-là et je suis mis en garde contre ces personnes-là. Et le dernier djihad, c'est djihad al-kufar. Celui dont, lorsque le djihad est évoqué, c'est celui-là, c'est cette catégorie-là de djihad qui revient à l'esprit, premièrement. Ah, d'abou yabur walidei, ma lam yakun marsiyana. Inch'Allah azza wa jal yanfa'ana wa iyyak, lima sami'ana, wa an yaj'alana, min alladhina yastami'una al-qawl, fi yattabi'una ahsana.